toutes et tous et merci de nous retrouver sur Radioactive pour un nouveau Mac d'Actu. Aujourd'hui, on vous emmène flâner du côté de Beaumont-Louestot, que vous connaissiez peut-être davantage sous l'appellation qui fut la sienne jusqu'en 2017, Beaumont-la-Ronce. Et si on vous embarque avec nous à Beaumont-Louestot, c'est parce que c'est l'effervescence pour le comité des fêtes qui s'est lancé dans un défi de taille. Organiser son tout premier festival de rue, baptisé En Rue Libre, un événement dont vous entendrez parler sur nos ondes d'ici son déroulement les 7 et 8 juin prochains dans les rues de Beaumont-Louestot. Alors bien évidemment, pour tout nous dire de ce projet, j'accueille aujourd'hui un Beaumontois dynamique, déterminé, qui n'a pas peur des challenges et qui prône la culture pour tous. Il s'agit de Péry Garnoux. Bonjour Péry. Bonjour Marlène. Péry, vous êtes le président du comité des fêtes de Beaumont-Louestot ? Oui, depuis un an. Alors, on se sent comment à moins d'un mois du grand boom ? On se sent très fatigué parce que mes journées sont habitées par le festival En Rue Libre, mes nuits sont habitées par le festival En Rue Libre, mes repas sont habités par le festival En Rue Libre. Alors, fatigué, mais impatient et vraiment motivé par ce bel événement. Oui. Alors justement, comment ça a émergé cette idée d'un festival rural à Beaumont-Louestot ? Il y a plusieurs facteurs qui ont déclenché ce festival. Nous, on est parti, le comité des fêtes, du constat, du postulat même, que, bah, vous l'avez dit hein, vous-même, que Beaumont-Louestot, c'est où ? C'est quoi ? Les gens connaissent un petit peu, mais ne savent pas situer. Et notre village est en pleine mutation démographique. On n'est finalement qu'à 20 km de Tours. On ne voulait surtout pas que cela devienne un village dortoir. Donc, on voulait créer un temps fort sur notre territoire. Et l'autre constat, c'était que la culture, elle est plutôt sur Tours. Les lieux de diffusion sont dans le centre-ville de Tours. Et finalement, même s'il y a quelques lieux de diffusion sur notre territoire du nord de Tours, les gens n'y vont pas forcément. Les gens ont peur d'aller parfois dans les lieux de diffusion, dans les théâtres, dans les cinémas, dans les salles de spectacle. Eh bien, on s'est dit, on va faire venir la culture à la campagne. On n'a pas de salle, alors on a une petite salle des fêtes. Mais on s'est dit, bah, on va prendre la plus belle salle du monde, la rue. Et on a une magnifique rue qui s'y prête. Et voilà, on va investir la rue. On va proposer 12h, 13h de spectacle, de culture. Et après, on va peut-être en parler, mais gratuit, quoi, surtout. C'est ça. Alors évidemment, on va le dérouler, ce programme qui est... C'est pour ça que je parle aussi d'un sacré challenge, parce qu'il est riche, ce programme. Il est tout en couleurs, il est très riche. Mais j'avais envie de savoir comment avait été accueillie l'idée par les habitants, par la municipalité, par tout ce qui entoure Beaumont-Louestot. On nous a pris pour des fous. Non mais vraiment, quand on a présenté notre ambition, d'abord au conseil municipal, les gens nous ont regardés avec des yeux, mais vous savez où vous allez. Alors pour être sincère et honnête, non, on ne savait pas où on allait. On n'a pas mesuré forcément le travail à fournir. Maintenant on y est, mais effectivement au début on nous a pris un petit peu pour des fous furieux. Et c'était les premiers mots, quoi. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous allez faire ? Est-ce que vous vous rendez compte ? Mais pourquoi faire aussi grand ? Pourquoi faire aussi riche, comme vous l'avez dit ? Maintenant, les gens disent « Waouh, ça a quand même de la gueule ». Enfin, j'ai aidé un gros mot, mais c'est le mot qui me vient, ça a quand même de la gueule, cette prog. Et par quoi on démarre quand on se lance dans un pari fou ? Puisque c'est comme ça que vous le qualifiez, ce qui n'est pas faux quelque part, mais on démarre par quoi ? Alors, la logique voudrait qu'on démarre par le budget, qu'on dise « Bah voilà, on va mettre tant, on attend ». Nous, on a pris les choses à l'envers, on a dit « Eux, on veut les faire venir, eux, on veut les faire venir ». Et à un moment, on s'est dit « Waouh, mais comment on les paye ?» Mais on est hyper flexible au comité des fêtes, on est hyper malin. On a du réseau, on est débrouillard. Donc on a fait les choses à l'envers, certes, mais en allant chercher à la fois des subventions, en faisant des animations tout au long de l'année, on arrive aujourd'hui à financer cette belle programmation avec des aides, il faut le souligner, avec le travail que l'on a fourni tout au long de l'année en termes d'événements. C'est ce qui nous permet d'avoir un festival gratuit pour tous. Gratuit avec quand même 60 artistes ou artisans créateurs, tous professionnels. Oui. Vous réunissez également 50 bénévoles sur cette première édition. Oui, ça aussi c'est compliqué. Ça aussi c'est compliqué de mobiliser. C'est compliqué et c'est simple à la fois. C'est-à-dire que quand on a commencé à communiquer sur nos réseaux au sein de notre village, on a eu des gens qui se sont spontanément tournés vers nous, non pas pour le comité des fêtes, mais pour le festival. Et aujourd'hui, effectivement, on a 50 bénévoles. On en cherche encore ponctuellement pour une heure, pour deux heures, pour deux jours, pour la vie, s'ils veulent. Mais on cherche un petit peu de monde. Mais effectivement, on a mobilisé les habitants du village et alentour parce que le rayonnement, on le veut vraiment... Au-delà des frontières de notre Beaumont, village, bien sûr. Et on veut rayonner, on veut attirer du monde. Et les Tourangeaux, les Amboisiens, les Montlouisiens, vous êtes évidemment les bienvenus. Ils seront très contents de le savoir et nul doute qu'ils iront. Alors, on a hâte de connaître ce programme pluridisciplinaire qui nous attend. Dites-nous tout, Périgue, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir sur ce festival en rue libre les 7 et 8 juin prochains dans les rues de Beaumont-l'Ouesto? Alors, on ment un petit peu quand on dit que c'est dans les rues parce que, effectivement, le soir, le 7 au soir, c'est dans notre salle communale. C'est l'ouverture du festival. On a une magnifique soirée avec tout d'abord le duo Harmonie. C'est un couple à la ville et sur scène qui font du porter main à main. On les a découverts sur les réseaux sociaux puisqu'ils ont une vidéo qui a percé, qui a des millions de vues. Donc c'est très athlétique, mais en même temps très poétique et gracieux. Ils ont une longue expérience de cabaret sur Tours. Et depuis un an, ils ont créé leur propre association et compagnie. Donc c'est vraiment un très beau couple qui fait du porter main à main. C'est splendide. Et ensuite, on a voulu ouvrir vraiment l'univers des arts à toutes les disciplines. On a pris le pari de faire venir un hypnotiseur, donc de l'hypnose de spectacle. C'est Nico Hypnose et ce qu'il fait, c'est génial. Il va vous emmener dans votre moi intérieur, mais en toute bienveillance. C'est quelqu'un qui est super, il ne va pas vous ridiculiser. Vous allez vivre une expérience avec Nico Hypnose, mais sans faire la poule ou sans passer pour un imbécile. Au pire, vous deviendrez peut-être bénévole sur le festival. C'est si exactement ce qu'on a demandé à Nico. C'est surtout pas de les réveiller et puis de les emmener le matin nous aider à monter les barnums. Mais oui, il faut joindre l'utile à l'agréable. Puisque le matin, voilà, dès le samedi matin, on enchaîne sur la grosse journée de spectacle de rue pour le coup. Donc comme vous l'avez dit, on a 60 exposants, artistes et artisans créateurs, qui vont investir les rues et au milieu de tout ce beau marché, j'ai envie de dire, on aura des spectacles toute la journée. Donc justement, il y a un programme avec des horaires calés, bien ficelés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer par quoi ça va commencer ce samedi 8 juin avec un café musical, je crois? Oui, c'est l'ouverture du festival du samedi. Donc on offre le café en musique. Donc c'est le Carré des Arts qui est l'école de musique de Neuilly-Pompierre à côté de Beaumont. Mm-hmm. Les élèves ont présenté leur création et c'est le fruit d'un an de travail pour eux. Et donc, ils ouvrent le festival en musique et avec un café de bienvenue pour les festivaliers et tous les exposants. Très bien. Ensuite, donc ça, c'est à 10h. Oui, ça, c'est à 10h. Ensuite, nous enchaînons avec la première déambulation. Là, on est très, très heureux de les avoir. C'est Carnavage, qui est une compagnie qui mélange la batucada, le cirque, la fanfare. C'est vraiment génial. Ils mettent de la couleur dans les rues. Ouais. Donc, c'est une bonne vingtaine, trentaine de minutes de déambulation sonore et visuel. On va en prendre plein les yeux. À 11h45, là je suis très très heureux parce que là c'est le professeur que je suis qui parle. Ce sont les élèves de mon lycée. Donc on a une section mode au lycée François Clouet et les jeunes créateurs viennent présenter leur création. Donc on a un défilé de mode. Et quand je dis qu'on élargit vraiment le festival à toutes les formes d'art, bah fallait oser un défilé de mode. Nous on ose. On enchaîne sur un autre concert à midi, d'autres défilés de mode tout au long de la journée. À 14h, on a une compagnie de théâtre amateur, la compagnie L'Escapade, qui nous présente une géniale pièce de théâtre. Enfin, j'en lis pas plus, mais ça se passe dans un parc à New York. Donc la représentation sera dans un parc, mais à Beaumont. C'est encore mieux, je trouve. D'autres concerts à 15h45 du Café des Arts, d'autres déambulations toute la journée. À 16h, on a l'association Paroles Épicées qui viennent nous présenter du conte pour les enfants, mais j'ai envie de dire des enfants de tous âges, les petits comme les grands, et ça c'est vraiment génial. Et enfin, on a les deux grosses têtes d'affiche pour nous. À 17h45, c'est la compagnie Sans Issue qui viendra jouer Sonate pour quatre chiens, qui est un vieux spectacle qu'ils ont remis un petit peu au goût du jour pour cette année. C'est leur première représentation depuis de nombreuses années, et peut-être même la dernière. C'est une troupe de cirque. C'est une troupe de cirque originaire de Tours. Cirque contemporain, il n'y a pas d'animaux. Là, on est sur un spectacle plutôt de machinois, avec une musique entêtante. Je ne vous en dis pas plus, c'est vraiment bluffant. Et on termine la soirée par le concert de la cantine des scouts. Et la première partie, j'ai oublié la première partie de la cantine des scouts. C'est la baronne et la daronne. La baronne et la daronne, c'est un duo génial. Elle, la baronne, c'est une chanteuse lyrique. C'est une pointure qui chante pour Radio France, qui chante pour l'opéra de Dijon, qui chante pour l'opéra de Lille et qui revisite la pop. Elle a une voix mais juste splendide. Et elle est accompagnée par la daronne, qui n'est autre que sa mère, qui est prof de violoncelle au Conservatoire du Mans Et le duo, il est juste... c'est beau, quoi. Moi, ça me fout les poils à chaque fois que je les entends. Et effectivement, on termine par le concert de la cantine des scouts. Je ne sais pas s'il faut les présenter. Parce que... Un petit peu des sales gosses qui font des reprises déjantées à l'aide de leur petit carnet où vous pouvez, en tant que spectateur, choisir les titres qui vont être joués. C'est vrai que c'est un format qui est vraiment génial. On adore la cantine des scouts sur Radioactive. On a eu l'occasion déjà de les rencontrer plusieurs fois. C'est vraiment une rencontre à faire. Si vous ne les connaissez pas, courez les découvrir. Ainsi que tout le reste du programme, parce qu'effectivement, il y a plein de pépites dans ce programme Périg. Oui, il est très large. On l'a voulu très éclectique, on l'a voulu très large. Ce sont tous, mis à part la Daronne et la Baronne qui sont du Mans, mais c'est à trois quarts d'heure de Beaumont, sont tous des artistes tourangeaux. Et ça, on voulait le souligner, puisqu'on a un vivier d'artistes de grande, grande, grande qualité sur notre territoire. Il faut les mettre en valeur. Et on est très heureux de présenter cette programmation qu'on a pensée, réfléchie. On est allé chiner un petit peu ce qui existait. Et on est fiers. Vraiment, on est fiers pour une première édition. Et de pouvoir proposer ça gratuitement. C'était très important pour nous. C'était très important. On veut que la culture soit accessible à tous. Je remercie les artistes qui ont fait un effort financier pour beaucoup, pour qu'on puisse les programmer sur notre première édition. Et on voulait vraiment que cette culture, elle soit gratuite. Les gens vont venir quand ils veulent, comme ils veulent. Ils vont peut-être venir 20 minutes, une demi-heure, être happé par un spectacle qu'ils n'auraient peut-être pas choisi d'aller voir. Et si on arrive à les faire venir, nous, c'est le pari qu'on veut réussir. S'ils voulaient venir une heure et qu'il reste 2-3 heures et qu'ils découvrent des choses vers lesquelles ils ne seraient pas allés naturellement, gagné. On a gagné. Et c'est ce qu'on veut. Alors, on rappelle aussi que tout au long de ce samedi 8 juin et de ce vendredi 7 juin au soir, il y aura la possibilité de se restaurer, buvette. Évidemment. Tout est là. Tout est là. Alors, qu'est-ce qu'on mange ? On mange que des bonnes choses. Le midi et toute la journée, on mange des aliments grillés à la plancha. Tout est frais et tout est fait sur place. Donc, merguez par notre boucher charcutier local. Ah oui, évidemment. Saucisse, pareil, idem. Sandwich à andouillette, la moutarde de Dijon, c'est juste incroyable. Et ça aussi, ça vient de notre charcutier boucher. Hot dog, et ils sont super bons. Ça, c'est pour le midi et le snacking toute la journée. Les frites sont fraîches. Et ça, c'est important. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. On est bien d'accord. Donc, vous pourrez vous restaurer à toute heure. Le soir, on voyageait un petit peu. On a voyagé avec Carnavache, qui nous a emmenés sous les soleils des tropiques. Et le soir, on reste au soleil. Et c'est rougail saucisse. Oh oui. Et ça, c'est génial. Mais oui. On a déjà l'eau à la bouche. Nous aussi. Vous l'avez goûté, j'imagine qu'il y a des commissions de restauration. Restauration, évidemment. Il faut faire les choses sérieusement. Mais c'est important. Vraiment, c'était important pour nous que tout soit de qualité. Les spectacles, comme les prestations du bar et de la restauration. Je reviens sur le bar, justement. Ah oui. On a sélectionné un brasseur local. On est sur le local. Il est à Neuilly-Pompierre, à 5 km de Beaumont. C'est un jeune brasseur local qui fait une super bonne bière, à consommer avec modération, bien sûr. Évidemment. Mais on voulait rester sur le qualitatif et le local. Et de A à Z, on a rempli le cahier des charges pour l'instant. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les dates, les horaires, les lieux et où est-ce qu'on peut se renseigner et retrouver toutes ces informations condensées en un seul endroit ? Alors, c'est le 7 et 8 juin à Beaumont-Laronce, Beaumont-Loueto, Beaumont-Loueto, tout est autorisé. Ok. Le 7, c'est à la salle La Roncia à partir de 19h30 pour Harmonie, le porter main à main et le spectacle d'hypnose. Le 8, c'est dès 10h dans les rues de Beaumont-Loueto, place de l'église et rue du 11 novembre jusqu'à minuit, 1h. Un peu plus. Si les scouts sont en forme, ils peuvent chanter 3-4 heures sans problème. Ah oui. Si le public est présent, ils sont chauds, ils continuent. Tant qu'il y a du monde qui les pousse, ils vont chanter. Pour nous suivre, les réseaux sociaux, Facebook, Festival en Rue Libre. Nous avons un site internet sur votre moteur de recherche préféré. Vous tapez Festival en Rue Libre, vous tombez sur nous. Vous avez peut-être tombé sur des flyers, également des affiches. Vous avez un QR code, vous scannez, vous tombez sur le site internet. Vous avez toute la programmation, vous avez tous les renseignements. Vous avez tout ce qu'il faut pour nous rejoindre et passer un super festival gratuitement. Je vous le répète, c'est vraiment important pour nous. Alors, une dernière petite question sur le flyer. On parle d'escape game. Oui, j'ai oublié l'escape game, c'est vrai. Effectivement, on a fait créer par une association de notre village que je salue au Poirier Savant. Donc, ils ont créé pour nous un escape game autour des arts. Il y aura 4 à 5 séances dans la journée du samedi 8. Attention, c'est limité en place. Donc, il y a déjà des réservations. Vous trouverez les indications sur le site internet et vous pourrez réserver votre créneau pour l'escape game sur le site internet. Ok. Donc ça, ce sera le samedi. C'est le samedi, oui. D'accord, très bien. Eh bien, je crois qu'on a l'ensemble de la programmation. Ben, écoutez, je pense qu'on a tout dit. 60 artistes, je répète, visuels et artisans créateurs. Sur toutes les disciplines, on a de la céramique, on a du fer, on a de la poterie, de la peinture, de travail du bois, on a un souffleur de verre. Enfin, c'est énorme. Je ne peux pas tout dire, tellement il y en a. On a bloqué tellement on avait de demandes, donc on a arrêté la réservation des exposants et maintenant on n'attend plus que les festivaliers. Eh bien, en tous les cas, nous, on en sera avec Radioactive. On sera là, Perry. On vous félicite pour cette superbe initiative. Il n'y a jamais assez de culture autour de nous. Il n'y a jamais assez de culture. Et un grand merci à Radioactive pour le soutien et la diffusion de notre festival. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. On est toujours dans les bons plans. C'est la fin de ce mag. Vous pouvez le retrouver en podcast sur la page Facebook Radioactive 93 et 94.7 FM. Merci à Maxine à la technique. Merci à Lily qui était avec nous également. On vous souhaite à tous une très bonne continuation sur notre antenne.